Le premier ministre coréen Park Bong-joon a inspecté l'entreprise halieutique de Tongchon qui s'est engagée dans la campagne de pêche de poissons de l'hiver. Il a fait le tour de divers endroits pour encourager les pêcheurs qui opèrent tous les jours des innovations collectives dans la pêche. À la réunion consultative des cadres du secteur halieutique tenue sur place, on a pris des mesures concernées. Par ailleurs, il a visité la fabrique d'appareils médicaux Myeongsan, les centrales numéro 2 et 10 de Shichun, et discuté des problèmes de mesures pour augmenter la production.